L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a condamné dans son page internet les crimes de Park Chung-hui, fasciste militaire, et de sa fille Park Geun-hye, qui ont transformé la Corée du Sud en foyer fasciste, en cimetière des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que ceux des États-Unis, auteurs du massacre à Gwangju.